Je suis pas pour le développement de l'Afrique, mais plutôt pour que la Chine les pille. Vladimir Poutine, Xi Jinping, la fine équipe. J'ai grandi, mais pas c'est mon utopisme anticolonialiste. Quand j'ai compris à quel point ma patrie l'envahisse. Ok, je reconnais que l'Afrique, on l'a baisé en missionnaire. Mais la prochaine fois qu'il y en aura une, ça sera par le cul. L'histoire, ça facture, ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, ils prennent la confiance et demain, ils pleureront. Excision pour toutes les putains nègres. C'est la peine planchée, je serais plutôt partisan de la peine de mort car je doute qu'elle puisse changer. Mais bon, on sait jamais. Puis elles peuvent toujours servir lors de chats en libre service pour qu'on puisse se vidanger. Mais trêve de digression, car le sujet du jour c'est le 4 mains. Sa race, pas pour lui, pas besoin d'attaque à dom. Il aime leur baiser leur race. La seule manière dont j'envisage le métissage. 2018, tout va bien, j'ai toujours pas d'amissage. Pas le temps de palabrer, c'est leur poignet qu'on va balafrer. Vendetta et omerta comme la mafia calabresse. C'est dans l'amputation que j'excelle. Et pour pas perdre la main, comme Léopold, je m'exerce. Pas le temps de palabrer, c'est leur poignet qu'on va balafrer. Vendetta et omerta comme la mafia calabresse. C'est dans l'amputation que j'excelle. Et pour pas perdre la main, comme Léopold, je m'exerce. Quand je vois une créature de Lucifer se faire torturer, je suis plutôt du genre à regarder et à laisser faire. Je méprise mes Césaires, donc imagine ce que je pense du nègre médian, qui a pas le quart de son intelligence. Puissant comme la compagnie des Indes, je n'apprécie que très modérément la compagnie des singes, sauf lorsqu'ils sont à fond de calme, enchaînés sans chanter le blues sur la place du marché. J'espère que les acheteurs sont au rendez-vous, mais je comprends leur souffrance durant 400 ans fouettés sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, je me déchaîne sur leur descendance, j'ai de bonnes raisons pour ça. Je crois que nos ancêtres avaient plus de bon sens que nous. C'est l'heure pour tous les Européens de faire cause commune. À Paris, dans le métro, je me sens comme Tintin au Congo. C'est pas que je déteste les nègres, mais dans mon pays, j'en veux qu'au compte goutte. Je préférais qu'ils soient au bed à crever du chikungunya. La chatte à Théo, la chatte à Adam, à la chatte à Bouna. Pas le temps de palabrer, c'est leur poignet qu'on va balafrer. Vendetta et omerta comme la mafia calabresse. C'est dans l'amputation que j'excelle. Et pour pas perdre la main, comme Léopold, je m'exerce. Pas le temps de palabrer, c'est leur poignet qu'on va balafrer. Vendetta et omerta comme la mafia calabresse. C'est dans l'amputation que j'excelle. Et pour pas perdre la main, comme Léopold, je m'exerce. La vérité, j'en veux à Jules Ferry et toute sa clique. Pourquoi se sont-ils souciés de ces grands singes en Afrique? Tu te gourres si tu crois qu'il n'est question que de mélanine. Demande à quel âge criminel, c'est vraiment très moche l'albinisme. J'en aurais des séquelles si je m'en battais plus les couilles que ça. Chaque fois qu'un bamboula se fait bastosser par la police, parfois je me sens triste. Un grand blues m'envahit, mais là je repense à cette scène d'American History X. Quand Derek en caleçon dit au Mac-Jack de dire bonsoir juste avant de prendre son élan pour les faire French kiss le trottoir. S'il y a comme ça qu'ils comprennent, je crois bien que ça peut se faire sans problème. Suffit juste de se bouger le cul, reprendre les bonnes des habitudes. Car en vrai, les négros sont fragiles comme un bout diabi. Je les aurais pas pris à mon service si j'étais esclavagiste. Et c'est vrai qu'il y a rien de plus beau que le mélange des cultures. C'est pour ça que je fais de la musique nègre dans laquelle je les insulte. Pas le temps de palabrer, c'est leur poignet qu'on va balafrer. Vendetta et omerta comme la mafia calabresse. C'est dans l'amputation que j'excelle. Et pour pas perdre la main, comme Léopold, je m'exerce. Pas le temps de palabrer, c'est leur poignet qu'on va balafrer. Vendetta et omerta comme la mafia calabresse. C'est dans l'amputation que j'excelle. Et pour pas perdre la main, comme Léopold, je m'exerce.